monde soit un peu frère, pour partager la misère des malheureux sur terre, et que pour quelques heures, on croit en la magie et au bonheur. Et nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël. Léon New York. Souviens-toi de ce moment. Oui, et j'aime alors.